Vous écoutez maintenant l'émission Chérie, m'écoutes-tu? Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Et oui, pour ceux qui nous écoutent en direct, nous sommes le 22 février, il est 13h et on est ensemble pour encore pour 2 heures de musique et de découvertes et de commentaires et de critiques, etc. Pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, ça se passe mardi 23 février de 17h à 19h, toujours sur les ondes de C'est fou. Et mon nom est toujours Sophie Laforêt et ça me fait toujours plaisir de revenir à chaque lundi vous partager mes découvertes de la semaine et mes impressions musicales du moment et autres. Et donc, pour parler justement d'émission d'aujourd'hui, vous pouvez le faire avec moi si vous voulez, un retour sur les spectacles que j'ai vus en fin de semaine. Je me suis rendue à Montréal pour voir 2 spectacles. Vendredi dernier, j'ai vu Joran en spectacle au Lion d'Or. Et sinon, samedi, j'ai vu 2 artistes suédoises que j'aime beaucoup, les projets musicaux Taken by Trees et El Perro del Mar au Il Motard. Donc, je vous parlerai de ça. Sinon, on va entendre Scoot Niblett, Marjo Terrio, une nouveauté de la formation suédoise Club 8 et plus encore plein d'autres choses pour vous. Et sans plus tarder, on va se lancer en musique avec un bloc particulièrement énergique, car aujourd'hui, on va avoir divers blocs. On va avoir des blocs un peu plus tranquilles aussi. Et on va aller entendre tout d'abord le duo, ou plutôt le couple musical de New York, Matt and Kim, avec une pièce de leur plus récent album qui est paru en janvier 2009. Et tout ça dans le cadre de l'émission Chérie m'écoutes-tu avec Sophie Laforêt sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Six such straight A's, cut them in the bathroom. So this is it then, you hit it with me then. Click, click, settle up, see you on the moon then. We're all in love, friend, we got the fun then. Ring, ring, call them up, tell them about the new trends. So this is it then, you hit it with me then. Click, click, settle up, see you on the moon then. We're all in love, friend, we got the fun then. Ring, ring, call them up, tell them about the new trends. C'était la formation de Brooklyn Sleigh Bell. Sleigh Bells. En fait, ça, c'est une découverte que Maxime Lemieux Laramé m'a fait découvrir, en fait. Une découverte qui m'a fait découvrir. Hein. C'est pas du tout une répétition, ce que je viens de dire. Et ce que je voulais ajouter, c'est qu'ils seront en première partie de la formation Yes Ayer le 2 mai prochain à la Sala Rosa de Montréal. Yes Ayer, qui est présentement sur les palmarès de C'est fou, une excellente formation de Brooklyn également. La pièce qu'on a entendue s'appelle la formation s'appelle Sleigh Bells et la pièce qu'on a entendue s'appelle Ring Ring, tirée d'un démo, donc toujours pas d'album pour cette formation qui est à surveiller. Et je vous dirais que j'ai mis la pièce la plus tranquille que j'avais puisque les deux autres sont beaucoup plus décapantes, une formation qui rock pas mal dans l'électro aussi. Avant ça, on avait la formation de Montréal Wolf Parade avec la pièce Disco Sheets tirée de leur premier album Apologize to the Queen Mary qui est paru en 2005, un excellent album. Et cette formation est composée bien sûr de deux membres influents dans le monde de la musique à Montréal, je vous dirais. Dan Baker qui est aussi le leader ou plutôt un des membres de la formation Handsome Furs qu'il compose, en fait, qu'il prend part à ce projet avec sa femme. Et sinon, l'autre membre de Wolf Parade, c'est Spencer Krug, qui est également membre de la formation Sunset Rubdown. Deux excellentes formations pour ceux qui aiment Wolf Parade à découvrir absolument. Et au début du bloc, on avait ce couple musical de New York, Matt and Kim, qui sont ensemble, en fait, je sais pas dans la vie, mais dans la musique, en tout cas depuis 2004, qui font dans le dance punk. Et la pièce qu'on a entendue s'appelle « Good Old Fashioned Nightmare » tirée de leur deuxième album, le plus récent, qui s'appelle « Grand », qui est paru en janvier 2009. Et ils ont été de passage à Montréal lors du dernier festival Pop Montréal. Et je les ai manqués. C'était un jeudi soir et je ne pouvais pas quitter comme ça la Mauricie. Mais en fait, j'aurais vraiment aimé voir ce spectacle. J'imagine que c'était vraiment très bon si je me fie à leur prestation live qu'on peut voir sur différentes vidéos YouTube. Donc, en fait, un excellent duo à découvrir si vous aimez le genre assez dansant qu'ils proposent. Sinon, on va retourner en musique cette fois-ci avec quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment plus tranquille parce qu'on va entendre Marie-Jo Thériault, qui est une artiste originaire du Nouveau-Brunswick de Moncton. Plus précisément, c'est également une actrice qu'on a eu la chance de voir à l'époque dans Chambre en ville, si ma mémoire est bonne. Et Moncton, hein, c'est une belle place, Moncton. J'aurai la chance de m'y rendre la semaine prochaine avec la délégation de l'UQTR qui se rendra au Jeu de la communication, qui est en fait une rencontre amicale, mais à la fois donc une compétition amicale plutôt, mais qui est faite sous forme de rencontre entre les universités francophones de l'Est du Canada. Donc, il y aura à peu près 9 universités au rendez-vous, et je ne les nommerai pas de peur d'en oublier une. Mais donc, cette année, ça se passe à l'Université de Moncton. Donc, l'année dernière, c'était à l'UQAM, et en 2008, c'était ici même, à l'UQTR. Donc, on va se rendre à Moncton. Et pour ce qui est de Marie-Jo Thériault, donc, on va entendre une pièce que j'aime beaucoup d'elle, Bodily Deltas, qui est tirée de son album Les Matins Habitables. Les Matins Habitables, donc, troisième album paru en 2005. On écoute ça sur les ondes de C'est fou, 89 FM. Je me réveille, je pensais. Je me réveille, je pensais, j'aurais pu être. Je me réveille, je pense que j'aurais pu être un motorcycle Harley Davidson biker in Tibet. Je me réveille, je pense que j'aurais pu être un Jesus freak David Koresh. Je me réveille, je pense que j'aurais pu être Lynx aux yeux vers Washington Interstate USA. Je me réveille, je pense que j'aurais pu être Je me réveille, je pensais j'aurais pu être. Je me réveille, je pensais j'aurais pu être. solo. In a tree, je m'en réveille, je pensais que j'aurais pu être. Bouche dans les rues de San Francisco. Je m'en réveille, je pensais que j'aurais pu être. Un lynx aux yeux verts, Washington, Interstate, USA. Je m'en réveille, je pensais que j'aurais pu être. Plastique dans une dump à New Jersey. Ah. Le teint de Linda de Marat Tremblay, c'est ce qu'on vient d'entendre avec une belle distorsion en finale, tirée de son premier album. Ben oui, le Chihuahua en 99, ça fait déjà 11 ans de ça. Et Marat Tremblay qui a repris sa tournée le 22 janvier dernier, puisqu'elle avait dû arrêter durant 6 mois pour cause de hernie discale cervicale, ce qui l'empêchait de jouer de la guitare, entre autres. Et donc, elle a repris sa tournée le 22 janvier dernier à Joliette. J'ai eu la chance de la voir pour un excellent spectacle. C'était la première fois que je voyais Marat Tremblay, qui est une artiste québécoise que j'adore, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a vraiment une place unique sur la scène musicale québécoise. Puis, donc, durant ce spectacle-là, elle était visiblement émue de revenir, bien sûr, parce qu'elle avait entamé la tournée à l'été 2009, mais elle avait dû arrêter la tournée justement à cause de sa maladie. Mais ça doit être quand même assez décevant pour un artiste quand on lance un album qui reçoit de très bonnes critiques, comme son dernier album « Tu m'intimides » en a eu. Donc, de devoir interrompre ce processus et de tomber durant 6 mois dans un repos forcé. Donc, quand elle est revenue, elle était vraiment touchée, premièrement, par le public qui était très compréhensif peut-être à son retour, au sens où on était très ouvert à... Je sais pas, peut-être à son émotivité. Puis donc, tout ça pour dire que c'était vraiment un excellent spectacle. Et si vous avez envie d'aller voir Marat Tremblay, pas très loin d'ici, elle va être au bar À l'affût à Saint-Tite le 6 mars prochain. Et À l'affût qui est aussi une excellente microbrasserie. Moi, j'adore leur bière. les bières qu'il propose. Donc, ça peut être une occasion de faire deux belles découvertes. Donc, soit Marat Tremblay, si vous ne l'avez jamais vue, ou de la redécouvrir avec cet album-là qui est vraiment différent de ce qu'elle faisait avant. Donc, la pièce qu'on a entendue, le teint de Linda, est beaucoup plus folk, beaucoup plus country que ce qu'elle propose sur son dernier album, qui est le quatrième, Tu m'intimides, donc qui est paru en 2009. Un album avec plus d'arrangements, plus électronique, plus ambiant. Ça m'a vraiment, vraiment plu. Donc, quoi dire d'autre pour vous convaincre d'aller voir un excellent spectacle le 6 mars prochain à l'affût au coût de 20$. Et avant, on avait Marc-Pierre Arthur avec la pièce « Tout ça pour ça » tirée de son album éponyme, qui est aussi son seul et unique album, qui est paru en mars 2009. Donc, ça va bientôt faire un an que cet album-là est sorti. Un album qui a tourné quand même pas mal sur ses fous aussi. Les animateurs ont beaucoup apprécié ce qu'elle a fait. Puis, la pièce qu'on a entendue, c'est une pièce qui est, je vous dirais, peut-être une des moins populaires sur son album, mais encore là, Marc-Pierre Arthur qui nous propose sur cette pièce-là un folk country assez intéressant, avec toujours des textes très intelligents. Moi, j'adore beaucoup, en fait, c'est pas elle qui les écrit seule, elle les écrit avec Gaëlle, qui est aussi une auteure, compositrice, interprète, mais des textes intelligents qui me plaisent bien aussi, j'aime beaucoup leur plume. Et elle était de passage à Trois-Rivières jeudi dernier, le 18 février, à guichet fermé, et j'ai pas pu aller la voir parce que j'avais déjà un autre spectacle ici avec le spectacle, comment dire, du baccalauréat en communication sociale. Sinon, j'aurais bien aimé la voir. J'ai eu la chance de la voir dans le cadre de M pour Montréal, mais elle a pu faire seulement quelques pièces puisqu'elle partageait la scène avec d'autres artistes. Et en tout cas, ce n'est que partie remise dans mon cas pour aller voir Marc-Pierre Arthur dans un spectacle complet qui offre, j'en suis convaincue, une excellente prestation. Et au tout début du bloc, on avait Marie-Jo Thériault avec la pièce Bodily Deltas de son album Les Matins Habitables. Et moi, je m'ennuie de Marie-Jo Thériault. J'espère qu'elle va sortir quelque chose prochainement. Ça fait déjà 5 ans que cet album-là est sorti. Un excellent album, encore une fois, là, pour compléter ce bloc-là qui est dans le folk, pas country, mais dans ce cas-ci, plus un folk ambiant qui est très, très agréable pour des petits matins, justement, des petits matins tranquilles pour écouter ça, comme elle le suggère dans son titre, Les Matins Habitables. Et donc, je le répète, Marie-Jo Thériault qui vient de Moncton au Nouveau-Brunswick et qu'on est bien content d'accueillir au Québec avec sa belle musique, ses beaux textes aussi, encore une fois. Et voilà, c'est ce qui conclut ce bloc plus tranquille. J'espère que ça vous a plu en ce lundi après-midi. De printemps, hein, il fait particulièrement doux aujourd'hui, mais je ne parlerai pas de météo, je vais m'arrêter là. Et on va aller en pub et au retour, je vous parlerai du spectacle que j'ai vu en fin de semaine, soit Joran, premièrement, on va aller entendre une pièce de Joran, et ensuite je vous parlerai de ces deux artistes suédoises que j'apprécie particulièrement, soit El Perro del Mar et Taken by Trees que j'ai vu samedi au Il Moteur de Montréal. Donc je vous en reparle tout de suite après la pause à l'émission Chérimé Coutu en compagnie de Sophie Laforêt. C'est fou comme à la zine. 89. Vous êtes de retour à l'émission Chérie mes coutus avec Sophie Laforêt jusqu'à 15h pour une émission musicale, comme à l'habitude, tous les lundis, de 13h à 15h. Et j'ai un petit chat dans la gorge. Voilà, c'est fait. Donc, comme annoncé, j'ai envie de vous parler des spectacles que j'ai vus en fin de semaine. Tout d'abord, vendredi, je suis allée au Lion d'Or à Montréal, une belle salle de spectacle sur la rue Ontario. Donc, pour voir Joran dans le cadre de Montréal en lumière, qui est un festival qui tient sur sa programmation autant des artistes musicaux que des événements de dégustation. Donc, il y a des produits locaux qui sont proposés, du vin également. Et c'est assez spécial comme festival. Ça regroupe plusieurs champ d'intérêt. Et donc, Joran qui a offert un spectacle solo, elle qui avait joué pour la dernière fois avec l'Orchestre métropolitain de Montréal. Et la dernière fois qu'elle était allée au Lion d'Or, c'était avant de mettre au monde deux jumeaux. Donc, elle a eu il y a quelques temps. Je ne pourrais pas vous dire combien de temps. Là, j'ai pas cette information-là. Et donc, Joran qui a présenté un très bon spectacle. En première partie, il y avait Audrey Emery qui est une auteure-compositrice-interprète qui vient des Îles-de-la-Madeleine, mais qui est maintenant établie plus près de Montréal, dans les Laurentides, à ce que j'ai pu comprendre. Donc, elle disait qu'elle était influencée par les montagnes et par la mer. Une bonne artiste qui fait dans un folk qui m'a fait penser un peu à Annie DiFranco, Kaki King, ou avec un petit côté Emily Klepper. Je vous dirais que cette influence-là revient souvent quand je parle des artistes folk, puisque je l'ai vue à Trois-Rivières récemment, puis j'avais beaucoup aimé ce qu'elle faisait aussi. Mais elle, c'est une Texane, donc avec un style un peu plus americana, je vous dirais. Et donc, pour en venir au spectacle de Joranne, c'est que elle était donc solo avec son violoncelle, mais elle a également joué d'un instrument particulier qui a été conçu expressément pour les deux prestations qu'elle donnait dans le cadre de Montréal en Lumière, qui était une espèce de, comment je pourrais dire, un support avec des cloches. Puis quand elle appuyait sur les cloches, il y avait une lumière à l'intérieur parce que les cloches étaient comme, c'est un peu dur à expliquer, hein? Les cloches étaient insérées à l'intérieur de bouteilles, donc qui, elles, étaient déposées sur un support qui était suspendu au plafond. Et quand Joranne appuyait sur les clochettes, il y avait une lumière qui s'allumait dans les bouteilles, qui étaient comme des espèces de bouteilles de vin renversées, donc à l'envers. Et c'était vraiment très joli. Puis sinon, il y a aussi également Audrey Emery qui a fait la première partie, qui l'a accompagnée dans plusieurs de ses pièces qui donnaient une deuxième tonalité, puisque Joranne était dans les aigus principalement. Et Audrey Emery qui a une voix assez chaleureuse, assez grave, qui complétait. C'était vraiment très bien pensé au niveau de la présentation de ce spectacle. Et sinon, que dire de plus, sinon que Joranne a fait quelques pièces de son plus récent album « Vers à soi », qui est un album qui comprend des pièces francophones seulement. Et c'était la première fois que Joranne chantait autant sur un album, du moins sur les albums que j'ai eu la chance d'écouter, du moins en français, parce qu'il y a un album « The You and the Now » où elle chante en anglais. Et avant ça, les albums qu'elle a fait au début, comme « Vent fou » et « 16 mm », c'était des albums où elle chantait dans des langues inexistantes parfois, sinon avec plusieurs pièces instrumentales aussi. Et ce que j'ai retenu de ce spectacle-là, je vous dirais, c'est que le violoncelle est vraiment un instrument que je connais peu. Dans ce que j'écoute habituellement, c'est pas un instrument qui s'y retrouve souvent. Et c'est vraiment intéressant de voir comment on peut utiliser cet instrument-là pour faire des pièces très tragiques, très dramatiques. Donc, justement, avec un côté saccadé, une urgence. Puis qu'en même temps, on peut jouer des choses vraiment très douces, autant dans les aigus que dans les graves. Et je sais pas pourquoi j'ai focusé sur ça. J'ai focusé sur l'instrument qui me plaît bien. Et c'est sûr que Joranne offre une musique qui est enveloppante, qui est ambiante, qui nous emmène dans son univers. J'accroche un petit peu moins peut-être à l'approche qu'elle offre. Donc au début, elle nous a dit « Imaginez-vous que les personnes alentour de vous sont des étoiles, que vous êtes un voilier avec une grande voile et moi je suis le vent et je vous porterai dans l'infini. » Et en tout cas, je sais pas, moi je suis pas une fan de tout ce qui est fantastique ou imaginaire, donc on dirait que ça m'accrochait un peu moins cette approche-là. Moi, j'ai envie, quand j'écoute un spectacle, de me sentir comme j'ai envie d'être, puis j'ai pas besoin d'être un voilier parmi les étoiles. Mais bon, que voulez-vous? Moi, je suis comme ça, mais je veux dire, c'est une belle intention quand même de vouloir imager son spectacle. Puis il y avait une bonne mise en scène, un pianiste est venu la rejoindre en milieu de spectacle. Et donc, que dure de plus sinon que de vous dire d'aller voir Joranne en spectacle si vous êtes intéressé. Moi, c'est une artiste que je suis depuis ses débuts. Je ne suis pas une grande fan de Joranne, mais je l'aime bien depuis ses débuts. J'ai beaucoup aimé l'album Vent fou et 16 mm, donc quand c'est arrivé, il y a 11 ans. Et j'ai arrêté un peu de la suivre, comme son album Vers à soi, je l'ai entendu la semaine dernière, justement pour me préparer un peu au spectacle. Puis ça m'a un peu moins accroché. Il y a quelques pièces que j'ai quand même aimées. Puis justement, je vous propose d'aller entendre la pièce « Sauve-moi » tirée de l'album « Vers à soi » de Joranne. Et ensuite, on reviendra en onde. Plutôt, je reviendrai vous parler des deux autres artistes que j'ai vus en fin de semaine, soit El Perro del Mar et Taken by Trees. Donc, on entend la pièce « Sauve-moi » de Joranne à l'émission « Chérie m'écoute-tu » avec Sophie Laforêt. Me rendre invisible, que mon chemin ne croise pas le tien. La tête en feu, tant jeté sous les yeux. Contre moi, je garde les images de mes rêves abrutis. Oh, oh, oh, oh. Comment pourrais-je me rendre insensible? Que ton bonheur n'affecte pas le mien. Tant tes amours m'étranglent, me laissent au vautour. Tant tes amours m'étranglent. Entendre la pièce Sauve-moi de Joran de son album Vers à soi, qui est son dernier album paru en 2007, et Joran qui a aussi sorti une compilation en 2009 qui s'appelait 10 pour souligner les 10 ans, ses 10 ans de carrière, et c'était comme un best-of intéressant, un best-of intéressant, mais moi je pense qu'il manque des pièces qui sont excellentes, dont la pièce Vent fou qu'elle a fait dans le cadre de ce spectacle-là. Et ça m'a manqué un peu qu'elle fasse pas beaucoup de pièces de cet album-là, de ses deux premiers albums. Elle s'est concentrée principalement sur les pièces anglophones et les pièces de Vers à soi. Mais voilà, elle a fait Vent fou parce qu'elle faisait en fait le spectacle au Lion d'or jeudi dernier, le 18 février, aussi le 19 février. Puis il y a un amateur qui était là le jeudi soir qui lui a demandé de faire Vent fou. Puis, il lui a dit « Je reviens demain, donc sinon tu peux le faire demain. » Donc, elle l'a fait le lendemain. Et j'ai trouvé ça triste de penser qu'elle ne l'aurait pas fait si elle n'avait pas eu cette demande spéciale-là. Parce que, bon, je sais pas. Vent fou, c'est vraiment une excellente pièce. Et voilà, Joran, donc, que j'ai vu en spectacle le 19 février au Lion d'or. Sinon, deuxième spectacle dont j'ai envie de vous parler, je vais y aller séparément. Parce que le deuxième spectacle, c'était en fait la combinaison de Taken by Trees et El Perro del Mar. Donc, je vais commencer par El Perro del Mar. Je vais reparler de Taken by Trees un peu plus tard dans l'émission, puisque c'est quand même deux spectacles distincts. Donc, El Perro del Mar, qui s'appelle Sarah Asbring, qui est une Suédoise, donc qui a fait paraître trois albums pour l'instant. Et donc, son spectacle se déroulait au Il Motar samedi le 20 février. Puis, c'est elle qui a commencé la soirée avec trois musiciens, donc un guitariste, un percussionniste et un bassiste, voilà. Puis El Perro del Mar qui joue de la guitare aussi, qui joue du tambourin et qui chante, évidemment. Et donc, ça a été vraiment un très, très bon spectacle. Ma seule déception ne réside pas dans la prestation de Sarah Asbring, mais plutôt dans la dynamique du public. J'ai trouvé ça vraiment dommage parce que El Perro del Mar qui fait dans une ambiance un peu rétro, finalement, des fois, taper dans les mains. Puis habituellement, quand un artiste sur une scène tape dans les mains, ben les gens embarquent, puis ils se dandinent un peu, puis tout ça, ça met de l'ambiance. Mais là, les gens étaient, à mon avis, un peu de glace devant sa prestation. Puis j'ai trouvé ça triste. Je sais pas si c'est juste moi qui étais comme impressionnée de me dire ces deux gens qui font une, deux Suédoises qui font une tournée nord-américaine et qui s'arrêtent dans une petite salle de spectacle à Montréal. Moi, je me sentais privilégiée de les voir les deux dans un même et seul spectacle. Donc, j'ai trouvé que les gens étaient, je sais pas, pas particulièrement chaleureux. Moi, j'étais dans le fond, debout sur ma chaise, puis je tapais dans les mains, puis je dansais. Mais en tout cas, peu importe. Peut-être que juste moi qui étais dans cette dynamique-là de spectacle. Puis sinon, elle a fait principalement des pièces de son nouvel album qui s'appelle Love Is Not Pop. Donc, la trame de littéraire, si on veut, des textes, mais ça réside beaucoup dans la rupture. Donc, une personne qui... les départs, en fait, les déchirures d'une rupture amoureuse. Puis sinon, elle a fait des pièces de son premier album aussi, son album éponyme, qui l'a révélé, donc avec des pièces beaucoup plus rétro, des pièces qui ont une petite sonorité twee. Ça fait assez année... Années 50, je sais pas, c'est dur à dire. Je connais peut-être pas assez la musique de cette époque pour donner vraiment une année précise, mais c'est vraiment quelque chose qui fait vieillot. Donc, c'est à entendre. Puis, elle a fait quelques pièces aussi de son deuxième album, mais elle n'a pas fait la pièce Somebody's Baby, tirée de son deuxième album From the Valley to the Star, et c'est celle-là qu'on va entendre parce que moi, ça m'a manqué. Je voulais qu'elle fasse cette pièce-là qui est vraiment plus énergique. Là. Je me disais peut-être qu'elle aurait su charmer les gens du Myland qui étaient là de glace devant elle, finalement. Alors, on va entendre cette pièce-là, puis je vous reparlerai tantôt de Taken by Trees. Donc là, on va se lancer vers un bloc, donc avec El Perro del Mar en premier, puis ensuite deux autres artistes qui font dans un peu le même genre. Alors, on entend tout de suite la pièce Somebody's Baby dans le cadre de l'émission Chérie Mikoutsu avec Sophie Laforêt, et on entend El Perro del Mar. Somebody's baby now. C'était la formation suédoise Club 8 avec la pièce Western Hospitality qui est tirée d'un album à paraître en mai prochain. L'album qui va s'appeler The People's Record. Et j'adore vraiment ce nouvel extrait qui inclut un peu un petit rythme, là, musique du monde, là, avec les tam-tams, je ne sais pas trop. Je trouve ça vraiment excellent, c'est très, très bon. Avant ça, on avait Jim Noir, qui est un auteur-compositeur-interprète de Manchester, en Angleterre. Son vrai nom, Alan Roberts, qui fait dans l'indie-pop rétro-électro. Et la pièce qu'on a entendue s'appelle « Same Place Holiday », tiré de son album éponyme, qui est son deuxième album, qui est paru en 2008, en avril 2008. Et sinon, au début, on avait El Perro del Mar avec la pièce Somebody's Baby, tirée de son deuxième album From the Valley to the Stars, qui est paru en 2008. Et c'est un album que j'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Il y a des pièces que j'aime sur cet album-là, mais l'album en entier me plaît un peu moins parce qu'il y a beaucoup de pièces d'une courte durée, soit de 2 minutes et moins. Puis moi, j'aime bien quand les pièces s'étirent un peu puis qu'on a on a le temps d'entrer dans une atmosphère. Voilà, je suis un peu zen des fois comme ça. Et ce que je voulais dire à propos du spectacle de El Perro del Mar que j'ai oublié de vous mentionner tantôt, c'est qu'un des moments forts de la soirée, c'est qu'elle a fait une reprise de la formation anglaise, de l'Angleterre plutôt, DXX. Elle a fait une reprise de la pièce Shelter et ça a vraiment été un délicieux moment. C'était super, super bon, même que j'ai quasiment aimé mieux sa version à elle que la version originale. Puis on va entendre la pièce Shelter un peu plus tard dans l'émission, justement pour vous permettre de savoir qu'est-ce que c'est cette pièce. Et on va se quitter déjà pour une courte pause. Et quand on va revenir, ben là, je vais vous parler de la deuxième portion de ce spectacle-là avec l'artiste suédoise, toujours Victoria Bergsman, qui est en fait la personne qui se cache sous le projet Taken by Trees, donc qui accompagnait El Perro del Mar dans le cadre de ce spectacle-là, samedi dernier, au Il Motor sur la rue Jean Talon à Montréal. Donc, on se quitte pour une courte pause. De retour à l'émission, chérie, m'écoutes-tu en compagnie de Sophie Laforêt jusqu'à 15h, une émission musicale qui vous propose de la musique diversifiée et des critiques de spectacles comme celui que j'ai vu samedi dernier, Taken by Trees, qui était en compagnie d'El Perro del Mar. Et donc, une artiste suédoise du nom de Victoria Bergsman se cache sous ce projet-là. Et donc, elle a entamé la deuxième partie du spectacle. Et ça a vraiment été drôle de transition, même si les deux artistes, en fait, sont dans un genre qui est quand même assez connexe. Victoria Bergsman propose une musique qui est un peu plus influencée par la musique du monde. D'ailleurs, son deuxième album, qui s'intitule East of Eden, a été inspiré par un voyage qu'elle a fait au Pakistan entre la parution de son premier album en 2007 et du deuxième en 2009. Et c'est sûr que ça s'est senti quand même un peu dans ses pièces, mais un peu moins que sur l'album, puisque bon, l'enregistrement studio permet de pousser les limites un peu plus loin. Donc, elle était accompagnée sur ce deuxième album-là d'artistes justement du Pakistan et d'ailleurs. Et pour revenir donc au spectacle, je vous dirais que le public, comme je le mentionnais plus tôt, était pas plus effervescent face à sa présence, peut-être un petit peu plus, mais j'ai pas senti là, de grand engouement non plus. Alors, je me sentais un peu toute seule avec ma joie et mon énervement. Mais bon, quand même, une excellente prestation. Le son de cette salle-là était vraiment très, très bon au Il Motor, qui est une petite salle de spectacle. Ça m'a impressionnée. Habituellement, je sais pas, dans les petites salles ou dans les bars, peut-être un peu moins développées du côté des spectacles, bon, ben le son n'est pas nécessairement excellent, mais là, c'est un très, très bon son. Victoria Bergsman, qui a une belle dynamique sur scène, qui a vraiment une très belle voix. Elle a fait les pièces de son plus récent album East of Eden, mais aussi de son premier Open Field. Donc, ça a été assez partagé donc au niveau du choix des pièces. Puis, le spectacle a duré au total, donc avec les deux artistes, de 10h à minuit à peu près. Je voudrais qu'ils ont fait à peu près une heure de spectacle chacune. Et Victoria Bergsman qui a fait un court appel donc d'une pièce. Et on a eu la chance d'entendre dans ce spectacle-là la reprise qu'elle fait de la pièce My Girls de Animal Collective. Mais de son côté, elle a appelé la pièce My Boys. Donc, elle l'a adaptée à son orientation sexuelle, j'imagine. Je dis ça comme ça, je trouve ça très drôle. Et donc, voilà, c'était un très, très bon spectacle. J'ai vraiment été satisfaite. Donc, pour un mince 15$ bien investi dans une soirée fort sympathique. Et donc, je vous invite, là, on va aller entendre une pièce justement de Taken by Trees, une pièce qui inclut les sonorités musique du monde dont je vous parlais, la musique pakistanaise. si on peut dire ainsi. La pièce s'appelle Toulouse Someone et là, je vous invite, on est lundi après-midi, il fait beau, à décrocher un peu puis vous laisser porter par cette musique-là qui est une invitation au voyage. Moi, quand j'écoute ça, ça me donne vraiment le goût de partir, de voyager. Et en terminant, à propos de ce spectacle-là, eh bien, je me suis gâtée un micro-sillon justement de ce deuxième album-là. Et là, il y avait une surprise à l'intérieur de la pochette, du vinyle. J'étais vraiment contente. Il y avait un disque et sur lequel il y avait une vidéo. Donc, vraiment un très, très beau vidéo qui a été tourné justement au Pakistan pendant son voyage et avec sa musique donc qui accompagne les images. Donc, ça a été vraiment une belle surprise. On se rend compte que c'est une personne qui est plein de talent et qui a vraiment une belle vision. Puis, encore pour terminer, en achetant ce fameux vinyle-là, coudonc, j'ai bien fait d'acheter ça, il donnait un disque avec, en fait, une playlist composée par... pas composée, là, mais... Je vais m'exprimer autrement. Donc, on a reçu un CD des principales influences actuelles de Victoria Bergsman. Donc, c'est elle qui a concocté un disque avec ce qu'elle écoute en ce moment. Et donc, dans le prochain bloc, on va entendre premièrement une pièce de Taken by Trees et ensuite, on va entendre deux de ses influences. Donc, j'ai particulièrement apprécié en écoutant ce disque-là. Une première influence, une formation de Portland qui s'appelle White Hinterland. Et ensuite, ça m'a vraiment fait rire. Il y avait une de ses influences qui est Madeleine Chartrand, qui est une artiste québécoise des années 70, qui avait chanté le fameux succès Annie Cooney, qu'on a eu la chance d'entendre, bon, la chance, je ne sais pas, mais qu'on a entendu dans le film Camping Sauvage, un film douteux avec Guy Lepage et Sylvie Moreau. Donc, ça va sûrement vous dire quelque chose si vous avez vu le film. Alors, on va entendre premièrement cette pièce de Taken by Trees qui va nous inviter à relaxer et à nous imaginer dans un autre pays, peut-être justement un pays de l'Europe de l'Est. Et donc, on entend ça, la pièce Toulouse Someone sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM, dans le cadre de l'émission Chérie m'écoute-tu? Alors, on vient d'entendre la pièce super répétitive de Madeleine Chartrand, qui est donc une des influences actuelles, hein, actuelles de Taken by Trees. Donc, cette artiste que j'ai vue samedi dernier en spectacle, elle remettait un disque où elle a rassemblé les influences qu'elle avait, donc ses influences du moment. Et Madeleine Chartrand, hein, que je ne connaissais pas vraiment, et c'est une artiste des années 70 qui participait à des émissions jeunesse, donc relève jeunesse, là, j'ai pas de nom d'émission en tête. Et donc ça date de 1973, la pièce Annie Cooney. Et comme je le mentionnais tantôt, ça figure sur la trame sonore du film Camping Sauvage, ce film avec Guy Lepage et Sylvie Moreau, qui est paru il y a quelques temps déjà. Et donc, si vous voulez voir le magnifique vidéo qui accompagne cette pièce, rendez-vous sur le profil profil Facebook, la page Facebook de l'émission. Donc, chérie, m'écoute-tu? Et hier, j'ai mis ce vidéo qui est un peu surréaliste puisqu'on voit Madeleine Chartrand avec un tambourin, mais donc avec l'ensemble d'arrangements qu'il y a sur la pièce, c'est un peu surréaliste de penser que c'est une vraie prestation live. Bien sûr, c'est du lip-sync, comme il y en avait beaucoup à l'époque aussi. Et avant, on avait la formation. Ça a été une belle découverte pour moi aussi d'entendre ça sur cette compilation. White Interland, qui est une formation de Portland aux États-Unis. Donc, la pièce Icarus, qui est sur un album qui n'est pas encore sorti, qui va paraître le 9 mars prochain, l'album K-Ross. Et cette formation sera de passage à Montréal le 20 avril prochain à 20h à la Sala Rossa sur Saint-Laurent. Et donc, qui font un style ambiant, expérimental, dub, avec en fait la jolie voix qu'on entend sur cette pièce-là, qui est une pièce très charmante. Et au début du bloc, nous avions justement ce projet musical Taken by Trees avec la pièce Toulouse Someone, qui figure sur le deuxième album de Taken by Trees, qui s'appelle East of Eden, qui est paru en 2009. Alors, c'est ce qui complète ce bloc qui est dédié un peu, d'une certaine façon, à Victoria Bergsman, donc à ses influences. Et donc, on va aller entendre une courte pause et au retour, on revient avec un court bloc francophone sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou comme un ballet. C'est comme un ballet. De retour à l'émission Chérie, m'écoute-tu? Il nous reste encore une petite demi-heure de musique avant de se quitter à 15h. Alors, ce qui nous reste dans l'émission, en fait, on va entendre un prochain bloc francophone avec Mickey Tout Seul et ensuite avec Vincent Vallière. Et donc, un extrait tiré du dernier album de Vincent Vallière, Le Monde Tourne Fort. Et ensuite, je vous ferai entendre un bloc d'artistes qui aiment beaucoup jouer avec... les percussions, donc, qui créent une ambiance particulière. Et alors voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, ce que je voulais vous dire depuis le début de l'émission, je ne l'ai pas mentionné, vous pouvez toujours consulter le blog qui est dédié à l'émission, soit le www.sophieaimelamusique.blogspot.com. Et donc, j'essaie de mettre sur ce blog-là les liens auxquels j'ai fait référence durant l'émission. La semaine dernière, je vous avais parlé de la formation Octoberman et de leur vidéoclip 30 Reasons. Donc, j'ai mis ça, une pièce fort sympathique où le ukulélé est à l'honneur. Donc, vous pouvez entendre ça sur le blog sophieaimelamusique.blogspot.com. Et sinon, on va aller entendre tout de suite Mickey Tout Seul et on poursuit en musique à l'émission Chérie m'écoute-tu sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. C'est sûr, pour effacer les fissures et que la peau devienne dure, faut pas frotter les blessures, c'est sûr. Si tu veux toucher l'azur, faut pas cracher sur les murs et pas casser les voitures, mais c'est dur. Des fois je me dis que j'ai rêvé, mais quand je me suis réveillé, le cauchemar avait gagné, c'est dur. Parce que c'est comme ça, je te jure. Sur la tête de ma planète, quand s'en ira faire la fête, j'oublierai pas ma triplette, je te jure. Sur la tête de ma petite sœur qui me regarde et qui pleure parce que tu pars avant l'heure, je te jure. Sur la tête de mon petit frère que je voudrais creuser la terre pour enterrer ma colère, je te jure qu'on se reverra là, c'est sûr.

que je vous mentionnais, qui aime bien créer une ambiance avec les percussions. On va l'entendre tout de suite, Scoot Niblett, qui est une artiste qui vit actuellement aux États-Unis. Une pièce de son album Kidnapped by Neptune, qui est paru il y a quelques temps déjà, puisque sa carrière a débuté en 2001. Et on va entendre la pièce Safety Pants, et ensuite on va entendre la formation suédoise Wild Bird and Peace Drum, avec une ambiance encore une fois créée à partir de percussions principalement. Alors on entend ça tout de suite sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Come on. but still long ago. Captured in a sealed out. I was captured and still locked out. I could be it all. Entendre, et non pas, ce n'est pas Patrick Watson, mais plutôt D.M. Stitt qui fait dans quelque chose qui est similaire à Patrick Watson, avec des influences peut-être un peu plus blues. Il y a les instruments classiques aussi à l'arrière, mais malgré tout, ça ressemble vraiment quand même beaucoup à Patrick Watson, mais avec une ambiance différente, un peu plus lourde peut-être, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Et donc, la pièce qu'on a entendue s'appelle Thanksgiving Moon, tirée de l'album Heavy Ghost, son premier album qui est paru en 2009. Et Dee Hempstead, qui est originaire d'Indiana aux États-Unis. Et donc, qui fait dans un blues gospel intéressant. Moi, j'aime bien ce qu'il fait, mais c'est un petit peu plus inquiétant peut-être que Patrick Watson comme musique. Ça, c'est une pièce assez douce qu'on a entendue. Il y a des pièces beaucoup plus dures d'approche sur cet album-là. Et vous pouvez vous rendre sur son MySpace, soit le www.myspace.com/DMSTITH. Donc, DMSTITH. Et vous avez, entre autres, accès à 3 vidéos qui sont bien chouettes. J'en mettrai un sur mon blog donc cette semaine. Et avant ça, on avait le duo suédois Wild Bird and Peace Drums avec la pièce de Window qui est tirée de leur premier album Hardcore qui est paru en 2008. Et ils ont vraiment une ambiance particulière. Donc, la particularité de bâtir des pièces avec une voix a cappella accompagnée de la batterie, donc. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Puis j'ai eu la chance de les voir en spectacle et c'était très, très, très intéressant. Une belle approche. Et la chanteuse a vraiment une très belle voix. Ça, c'est indéniable. Et donc, ils faisaient la première partie de Luckily en février dernier au Club Soda. C'est comme ça que je les ai découverts et que je les ai bien aimés. Et avant ça, on avait Scoot Niblett, qui est une artiste donc qui vit maintenant aux États-Unis, une artiste anglaise avec la pièce Safety Pants, tirée de son troisième album Kidnapped by Neptune, qui est paru en 2005. Et donc, c'est elle qui assure la voix, la guitare et la batterie pour créer une ambiance... mon Dieu! Un peu... je trouve que c'est une trame sonore de film d'horreur, un peu ce qu'elle fait. La pièce qu'on a entendue n'est pas si pire, mais il y a des pièces assez inquiétantes. Et elle s'inspire notamment du grunge pour certaines de ses pièces. Il y a même une pièce qui fait drôlement penser à Nirvana. Nirvana, grande influence. Et donc, pour un son unique qui est assuré par Scoot Niblett, qui a fait paraître un album récemment, soit en début 2005 ou à la fin... début 2005. Ouh! Début 2010 ou à la fin de 2009. Donc, un album récent que j'ai pas eu la chance d'entendre encore, mais ça viendra, je l'espère. Et avant de conclure l'émission qui va se terminer dans quelques minutes, on va aller entendre une pièce de DXX, donc la pièce Shelter, qui a été reprise justement par El Perro del Mar samedi dernier durant son spectacle. Une très, très, très bonne reprise. On va l'entendre l'original et je vais revenir vous dire le mot de la fin ainsi que vous conseiller une sortie spectacle pour demain. Donc, je reviens vous dire ça tout de suite sur les ondes de C'est fou à Chérie M'écoutes-tu. I find shelter in this way. This way, maybe I had said something that was wrong. Can I make it better with the lights turned on? Maybe I had said something that was wrong. Breathe. La formation des XX que j'ai laissé aller jusqu'à la toute dernière note de la pièce Shelter. Et des XX qui est une formation d'Angleterre qui a été connue, ou plutôt reconnue en 2009 avec leur album éponyme qui a fait tout un tollé positif auprès des critiques pour une ambiance particulière. Donc leur album ressemble à ce qu'on vient d'entendre, assez ambiant. Là, il n'y a rien de très, très énergique qui ressort de ça, mais c'est vraiment une très belle écoute qu'on peut en faire de cet album qui est constant. Donc, quand on a envie de ce genre de musique-là, ben, on est très bien servi avec ce dernier album-là. Donc, album éponyme de DXX. Et si vous avez envie de les découvrir en spectacle, ils seront au Métropolis de Montréal le 3 avril prochain avec JJ, qui est un projet suédois. Donc, vraiment, aujourd'hui, mon émission est ponctuée par le mot « Suède » et « Suédois ». Et donc, voilà, c'est une bonne occasion de les voir. Et JJ, qui est aussi un projet fort intéressant, qui est peut-être un peu plus influencé par le reggae. Donc, ça pourrait ressembler à DXX, sinon, dans l'ambiance générale. Et pour conclure, je voulais vous proposer une sortie pour demain, 23 février. Francis Roberge ou Gambrinus, j'en ai parlé lors des émissions précédentes, donc qui va présenter un spectacle dans le cadre de sa tournée pour son nouvel album « Ma bête fragile », qui est son premier album, qui est paru tout récemment. Donc, un album qui comporte 10 pièces, assez légères, assez sympathiques aussi. Et moi, il y a trois extraits sur cet album-là que j'aime particulièrement. Soit « Âme sœur », qui est le premier extrait. Vous pouvez également voir ce vidéoclip-là si vous entrez « Francis Roberge et Âme sœur » dans n'importe quel moteur de recherche, vous allez trouver ça sans problème. Sinon, il y a l'extrait « Bouquet lila » aussi, que j'aime beaucoup, et « Le présent », et c'est la pièce qu'on va entendre pour terminer l'émission. Si vous voulez plus de nouvelles au sujet de Francis Roberge, vous pouvez vous rendre sur le site de Taka Music, qui est son étiquette de disque. Sinon, il y a la coop des faux monnayeurs, je pense qu'ils s'occupent de ces spectacles. Je suis pas exactement sûre de ce qu'ils font exactement, mais je pense que c'est ça. Sinon, rendez-vous sur francisdoctobre.com. J'ai dit tantôt Francis Roberge, c'est parce que ça me rentre pas dans la tête, c'est parce qu'en fait, au début, quand je l'ai découvert, il s'appelait par son vrai nom, Francis Roberge, et là, pour cet album-là, il a changé donc son nom, il a rendu ça un peu plus unique en s'appelant Francis d'Octobre. Et là, il y a une de mes amies qui me disait, ça a l'air que sa copine lui a dit, ta musique, ça fait automne, alors pourquoi ne pas t'appeler Francis d'Octobre? Moi, j'aime un peu moins l'idée, mais quand même, c'est sympathique. Alors, on va entendre le présent. Et il sera demain au Gambrinus à 21h au coût de 6$. Donc, une bonne suggestion sortie si vous voulez le découvrir. Puis en même temps, c'est pas très cher. Puis c'est toujours sympathique les spectacles au Gambrinus. Alors, on va entendre tout de suite la pièce Le Présent. Et je voulais vous mentionner que la semaine prochaine, ce sera la dernière émission avant la relâche. En fait, je fais une émission durant la relâche. Donc, soit le le 1er mars, hein, oui, exactement, lundi 1er mars. Mais je vais faire relâche le 8 mars parce que, en fait, je vais revenir de Moncton, des Jeux de la communication, et j'aurais peut-être pas eu le temps de préparer une émission parce qu'on revient le 21 mars, pas le 21 mars, mais plutôt le 7 mars, très tard dans la nuit. Alors, veuillez m'en excuser. Donc, la semaine prochaine, un dernier rendez-vous avant la relâche. Donc, le 1er mars pour 2 heures de musique, toujours à Chérimicoutu. Et on se laisse avec Francis d'Octobre. Je n'avais pas conscience que le présent pour moi était d'or. Mon sourire d'insouciance brûlait comme le soleil dehors. Avant que ton absence brille par le vide de sa présence, avant que ta présence ne devienne qu'une vague souvenance dès lors. Je ne sais plus ce que je fais dès lors. Je ne regarde plus pareil dès lors. Il n'y a plus grand chose qui me plaît dès lors. Je suis seul même quand ce n'est pas vrai. Je n'avais pas conscience que ta présence était un trésor. J'étais riche à outrance, j'aurais pu acheter le monde et encore. Avant que l'avion ait fait tourner ses hélices, avant cette chanson, bien avant que cette chanson existe. Dès lors, je ne sais plus ce que je fais. Dès lors, je ne regarde plus pareil. Dès lors, y'a plus grand chose qui me plaît. Dès lors, je suis seul même quand ce n'est. Je me rappelle ton sourire vibrant qui résonnait, qui me rendait fou et heureux comme un enfant qui est le roi de la montagne. Je me rappelle aussi ce jour, non pas sans douleur, je l'avoue, quand mon nez a quitté ton cou pour les odeurs du paradis. Comment tu es là-bas? Moi, je ne sais pas. Tu me réponds. Et toi? Tu me dis que dans ton sac de coquillages, il y en a pour moi. Que tu es revenu, j'ai enfin reposé mes mains sur tes cheveux, sur tes seins nus. Fuyez voleurs, on n'emporte rien la nuit. Je me répète tout bas combien je réalise. Alors quand tu dors la tête sur mon bras, que le présent est fait en moi.